Chapitre 2. La croix brisée. Lady Isabelle, que nous avons laissée dans la voiture, ne tarda pas à arriver chez Madame Levison. Cette dame Levison était âgée d'à peu près 80 ans. Elle avait le parler bref, le tout impérieux, des manières brusques, un esprit acariâtre. Dès qu'elle aperçut Lady Isabelle, elle ne chercha nullement à dissimuler sa mauvaise humeur. Madame Vane l'avait fait attendre pour le dîner. Et maintenant, Lady Isabelle arrivait en retard pour le thé. Ce sont là des infractions aux usages du monde que la vieillesse pardonne difficilement. « Excusez-moi si je ne suis pas venue juste à l'heure fixée, » s'écria Lady Isabelle en s'avançant vers la vieille dame. « Mais mon père ayant reçu une visite, vous êtes de 25 minutes en retard, » répliqua vertement Madame Levison. « Emma, veuillez dire que l'on serve le thé. » Madame Bain exécuta cet ordre sur le champ. C'était une petite femme de 26 ans, d'une physionomie assez ordinaire. Elle possédait cependant un extérieur distingué ainsi qu'un esprit très cultivé. Elle était vaine et prétentieuse jusqu'au bout des doigts. Sa mère, qu'elle avait perdue, était la fille de Madame Levison. Quant à son mari, Raymond Vane, c'était l'héritier présomptif du comté de Mount Severn. « Grand-mère, » s'écria Madame Vane, en voyant entrer les domestiques portant les plateaux, la bouilloire et le réchaud à esprit de vin. « Vous ne prétendez pas sans doute qu'on fasse le thé au salon. Et où voulez-vous qu'on le fasse ?» demanda Madame Levison. « Mais il me semble qu'il serait plus naturel et beaucoup plus agréable qu'on l'apportât ici tout préparé. C'est un embarras et tout un remue-ménage que de le faire soi-même. « En vérité, » riposta la vieille dame, « vous préféreriez qu'on le servît à la ronde, à moitié renversé dans les soucoupes et froid comme la glace, n'est-il pas vrai ?»« Je ne sais comment m'y prendre pour le préparer. J'ignore la quantité de thé qu'il convient de mettre. » grommela Madame Vane. Me permettrez-vous de m'acquitter de cette tâche ? Demanda Isabelle en s'avançant vers la table. Faites, mon enfant, répliqua la vieille dame. J'apprécie l'empressement que vous mettez à vous rendre agréable. Vous valez mieux qu'elle. Isabelle se mit à rire comme une folle et ôtant ses gants, elle alla s'asseoir à la table. Tout à coup, la porte du salon s'ouvrit et l'on vit entrer un jeune homme fort élégant de manière et d'une beauté assez remarquable, en jugé du moins par ses traits réguliers, ses yeux noirs, ses cheveux d'ébène et ses dents blanches. Mais pour qui se mit à étudier attentivement l'ensemble de cette physionomie, à pénétrer surtout ce regard étrange, qui jamais ne se fixait franchement sur le vôtre, il y avait dans toute la personne de ce jeune homme un je ne sais quoi qui répugnait et tenait à distance. Capitaine dans l'armée, il s'appelait Francis Levison. Il était le petit-fils de Madame Levison et le cousin germain de Madame Vane. Nul mieux que lui, du moins quand l'envie lui en prenait, ne savait captiver l'oreille de ceux qui l'écoutaient et éblouir par tout ce qu'il y avait en lui de brillant et de spécieux. Et cependant, nul n'était plus dépourvu de bons sentiments, nul n'avait un cœur plus aride et égoïste. Il était l'héritier présomptif du riche et puissant Sir Peter Levison, et cela suffisait pour que le monde se le disputât et pour qu'on oubliât tous ses défauts. « Lady Isabelle Vane, » dit haute voix la vieille dame, « laissez-moi vous présenter au capitaine Levison. » Tous deux échangèrent un salut, et Lady Isabelle, peu accoutumée encore aux hommages et à l'admiration des hommes, sentit le rouge lui monter au visage en présence de ce jeune et bel officier qui fixait sur elle ses yeux pleins d'un feu dévorant. « Vous avez là à votre cou une bien jolie croix, mon enfant, » s'écria Madame Levison en s'adressant à Isabelle. Ces 7 émeraudes, serties dans un réseau d'or, produisent un délicieux effet. Cette croix, répondit Isabelle, m'est en effet bien précieuse. Elle appartenait à ma mère. C'est elle qui me l'a donnée de ses propres mains, à son lit de mort. Tenez, ajouta-t-elle en la détachant de son cou, prenez-la et examinez-la. Je la réserve pour les grandes occasions, et je ne l'ai mise ce soir que parce que je vais à mon premier bal, et chez un duc encore. Et c'est là la parure dont vous avez cru devoir faire choix pour une pareille circonstance ? Demanda Madame Vane. Pourquoi n'avoir pas mis votre garniture de diamants ? Je l'avais mise, puis je l'ai ôtée. Je craignais de produire un trop grand effet, balbutia-t-elle en souriant et en rougissant tour à tour. Je craignais que l'on ne me reprochât de ne les porter que pour me rendre belle. Ah, je vous comprends, ajouta avec dédain Madame Vane. Vous vous classez alors parmi ces gens qui s'imaginent pouvoir se passer d'ornements. Ce n'est là, sachez-le, Lady Isabelle, qu'un raffinement de coquetterie. » Ces paroles acerbes ne produisirent pas grand effet sur Isabelle, ou du moins, elle jugea peut-être plus convenable de ne les point relever. Elle comprenait en effet sans cependant s'en expliquer le motif, que Madame Vane était de mauvaise humeur, et elle avait raison. Madame Vane était furieuse, et ce qui la rendait telle, c'était tout simplement les mille et un petits soins, les attentions recherchées dont le capitaine Levison ne cessait d'entourer la douce enfant. « Reprenez votre croix, Isabelle, » dit la vieille dame, « elle produit plus d'effet sur vos blanches épaules que ne pourraient en faire les plus beaux diamants de ce monde. Ne vous inquiétez point de ce que pense Emma. Dieu merci, vous n'avez pas besoin, pour paraître jolie, de vous surcharger de pierreries et de bijoux. » Francis Levison prit la croix des mains de sa grand-mère. Soit qu'il éprouva quelque émotion en voulant la remettre à Lady Isabelle, soit que la jeune fille fût elle-même troublée, toujours est-il que cette croix tomba sur le tapis et qu'en cherchant à la ramasser, le capitaine mit involontairement un pied dessus et la brisa en deux morceaux. « Quel malheur !» s'écria Madame Levison. « Comment cela est-il arrivé ?» Isabelle, la tête baissée, demeurait silencieuse. Il lui semblait que son cœur s'était brisé aussi. Elle ramassa les débris de ce souvenir d'une mère, les porta à ses lèvres, et les larmes jaillirent involontairement de ses yeux. « Allons bon, il n'y a pas là de quoi pleurer, » dit avec impatience Madame Vane. Et évidemment, dans l'intention de couper court au discours que lieutenant le capitaine touche en sa gaucherie sa maladresse. « Vous pourrez la faire réparer, » fit observer Madame Levison. Lady Isabelle fit un effort sur elle-même, sécha ses larmes et levant vers le capitaine des yeux pleins d'une douce expression. « Je vous en prie. » Ne me faites point d'excuses, c'est ma faute encore plus que la vôtre. » En parlant ainsi, elle dégagea la croix brisée de la chaîne d'or à laquelle elle était suspendue et rattacha ensuite la chaîne autour de son cou. « Et quoi ? » s'écria Madame Vane. « Pensez-vous que je puisse vous mener au bal avec cette simple chaînette pour toute parure ?»« Pourquoi non ?» demanda Isabelle. « Si l'on fait des remarques, j'expliquerai ce qui m'est arrivé. » Madame Vane ne put contenir davantage sa colère, qui se traduisit enfin par un violent éclat de rire où perçait la moquerie la plus acerbe. « Il n'est pas probable, » dit-elle avec aigreur, « que l'on fasse des remarques à haute voix, mais tout le monde croira que la fille de Lord Mountsavern a été obligée de vendre ses bijoux. » Pour toute réponse, Isabelle se contenta de sourire d'un air incrédule et quelque peu moqueur. « Voyons, Emma, » dit la vieille dame, « si vous devez aller à ce bal, il est grand temps de partir. » « Jadis, quand j'étais jeune, on était plus sage, et c'est à 7 heures que nous allions danser. » « Oui, » ajouta le capitaine, qui n'avait guère plus de considération pour sa grand-mère que pour Madame Vane. « Du temps sans doute où George III dînait à 1 heure de l'après-midi, d'un plat de navet et d'un gigot bouilli. » Puis, se tournant vers Isabelle, il lui offrit son bras, et ce fut ainsi que pour la seconde fois, en une même soirée, Lady Isabelle Vane fut conduite à sa voiture par un étranger. Madame Vane, obligée de se passer de cavalier, suivit en maugréant les deux jeunes gens. « Adieu, » dit-elle froidement au capitaine dès qu'elle fut arrivée au perron. « Non, pas adieu, » répliqua l'officier. « Je vais au bal, et j'y serai presque aussitôt que vous. Mais vous ne comptiez pas y venir. Vous m'aviez parlé d'un souper avec des camarades. C'est vrai, mais j'y renonce. Au revoir, Lady Isabelle. » Dès que la calèche se fut mise à rouler, Madame Vane éprouva l'impérieux besoin d'exhaler sa mauvaise humeur. « Vous serez ridicule, vous aurez l'air d'une vraie pensionnaire, avec ce mince filet d'or autour du cou, » dit-elle en ricanant. « Qu'importe, » répondit tristement la jeune fille, « une seule chose me préoccupe en ce moment, ma pauvre croix. C'est là un accident de mauvaise augure, ne le pensez-vous pas ?»« Que dites-vous ?» reprit avec impatience Madame Vane. « Je dis que ce qui est arrivé ce soir ne me présage rien de bon. Cette croix me fut laissée par ma mère comme une sorte de talisman. À son lit de mort, elle m'avait recommandé d'en avoir grand soin. » Et de fixer mes regards dessus chaque fois que dans les moments de tristesse ou d'abattement, j'éprouverais le besoin de me rappeler sa voix, de me ressouvenir de ses conseils. Et maintenant, cette croix est brisée, à tout jamais brisée. » La lueur d'un lampadaire pénétra en ce moment de la voiture et vint éclairer le visage de la jeune fille tout inondée de larmes. « En vérité, s'écria Madame Vane, je ne puis vous mener ainsi chez la duchesse de Dartford. « Si vous ne cessez de pleurer, je vais dire au cocher de vous reconduire à la maison, et j'irai seul au bal. » Isabelle maîtrisa tant bien que mal sa douleur, et par un violent effort sur elle-même, elle fit redescendre en son cœur les pleurs qui voulaient s'échapper. Bientôt après, son chagrin s'évanouit entièrement. Elle se trouvait dans un magnifique salon, où, de tous côtés, la lumière, scintillant en étoiles, s'épanouissait en bouquets et ruisselait des plafonds en pluie de cristal. Elle se crut subitement transportée dans le pays des rêves, et son cœur s'entr'ouvrit alors aux fraîches émotions du printemps de la vie. ce n'était plus le moment de songer à la croix brisée. Enivrée d'un torrent de délices, elle donna toute son âme à la danse et jeta sa gaieté rieuse et légère à travers les compliments fades et les soupirs parfumés qui l'assaillaient de toutes parts. « Tiens, » dit un étudiant d'Oxford qui s'était littéralement collé contre la muraille pour faire place au valseur. « Tiens, » répéta-t-il en apostrophant le fils d'un marquis, « je croyais que vous aviez renoncé au monde. » « Et vous aviez raison, je déteste le monde, les bals surtout, mais je me vois, bien malgré moi, obligé de les fréquenter de nouveau, » répliqua celui qui venait d'être ainsi interpellé. « Et pourquoi cela ?»« Je suis à la recherche d'une femme. Mon père m'a définitivement coupé les vivres. Il n'entend plus solder mes dettes. Il m'a juré par sa barbe qu'il ne me donnerait pas un liard avant que je me sois réformé. Et comme preuve de mon bon vouloir, il exige tout d'abord que je me marie. Je suis donc à l'affût d'une femme. Prenez alors notre beauté à la mode. Qui cela ? Lady Isabel Vane. Bien obligée. Je désire avoir pour beau-père un homme vraiment riche. Or, Mount Severn, vous ne l'ignorez point, est presque ruiné. D'ailleurs, lui et moi, nous ne ressemblons par trop de côté pour jamais nous entendre. Vous trouverez difficilement mieux. Cette jeune personne est d'une beauté remarquable et déjà le capitaine Levison s'est mis à ses trousses. Ce roué ne doute de rien. Il s'imagine vraiment que toutes les femmes sont à ses pieds. Parole d'honneur, il me porte sur les nerfs avec ses cheveux frisés et ses mains efféminées. Un sans-cœur. Quelle est donc cette affaire touchant Mademoiselle Chartery, affaire dont on a tant parlé et que maintenant l'on cherche à étouffer? Je l'ignore. Je sais seulement que Levison n'en dit mot, ce qui ferait supposer qu'il en est lui-même quelque peu honteux. Les femmes, comme toujours, se sont rangées de son côté et ont pris sa défense en s'apitoyant sur son sort. On prétend que la personne en question est allée mourir à l'étranger. Mais tenez, voyez donc, voici Levison qui donne le bras à la fille de Mount Severn. C'était bien lui, en effet. Il était là, marchant à ses côtés, la tête penchée vers elle, et lui exprimant, pour la 20e fois peut-être de la soirée, les regrets qu'il éprouvait de l'accident arrivé. « Je sens, » lui disait-il tout bas, « je sens que toute une vie de repentir et de dévouement ne serait à vos yeux qu'une compensation insignifiante. » Et il lui parlait d'une voix émue et vibrante, et il lui soufflait à l'oreille quelques-unes de ces paroles brûlantes qui enivrent les cœurs vierges, les corrompent et les perdent. Et elle, Lady Isabel, surprise et émue, elle se sentait rougir en laissant les regards amoureux du jeune homme se fixer sur les siens. Et ne pouvant répondre, elle fermait langoureusement les yeux. « prenez garde, ma jeune Lady Isabel !» murmurait intérieurement l'étudiant d'Oxford, en la voyant légèrement glisser devant lui. « Prenez garde, cet homme est aussi fou et perfide qu'il est éloquent et tendre !»